Notre appartement est grand. Alors, il y a beaucoup de place pour tous les invités. Toute la famille va arriver pour le baptême. Nicolas a une grand-mère, deux grands-pères, quatre tantes et deux oncles, deux cousins et trois cousines. Les grands-parents habitent tous en province. Les quatre tantes, elles, habitent toutes dans les environs de Paris. Les deux oncles, eux, habitent à la campagne. Les cousins et les cousines habitent eux aussi à la campagne. Naturellement, Nicolas a aussi un père et une mère. Ils s'appellent Monsieur et Madame Gallet. Monsieur Gallet, Jean-Luc, mon neveu, a 21 ans. Il est étudiant. Sa femme, Sylvie, est étudiante, elle aussi. Elle a 20 ans. Elle voudrait être journaliste. Lui, il voudrait être professeur ou écrivain.